19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Depuis le 11 mai, les archéologues ont repris leur ouvrage et fouillent un peu partout en France. On le sait, l'été est propice aux chantiers, aux découvertes, mais cet été était pour nous l'occasion de faire notre retour sur le terrain. Pour cela, nous nous sommes rendus près de Caen, à Bretteville-sur-Odon, où des fermes gauloises avaient été fouillées en 2015. Pour autant, la fouille en cours porte sur une toute autre période, bien plus récente, le dégagement d'un vaste ensemble fortifié allemand de la Seconde Guerre mondiale. On le sait, l'archéologie s'arrête hier, mais pour autant, pourquoi donc fouiller un tel site alors que nous disposons d'abondantes sources textuelles et historiques ? L'histoire ne serait-elle rien ? Pour m'en convaincre, j'ai retrouvé sur place Cyril Marcigny et Benoît Labbé de l'INRAP. Que cherchez-vous, Benoît Labbé, à Bretteville-sur-Odon ? Quelle est votre quête ? Alors en fait, la prescription archéologique émise par le service régional d'archéologie porte sur un site lié à la Seconde Guerre mondiale. En l'occurrence, il s'agit d'une position liée à la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande. Et cette position avait en charge la protection et la défense des installations de Carpiquet, en l'occurrence la base aérienne. Une base aérienne importante ? Alors c'est une base aérienne relativement importante. Il faut savoir qu'elle a été donc construite en 1938, achevée en 1939 et capturée et occupée par les Allemands à partir de 1940. Alors cette base aérienne a servi en fait de point de départ pour les raids allemands sur les villes anglaises pendant le Blitz. Et du coup, cette installation militaire avait un statut particulier, stratégique, donc il a fallu le protéger. En fait, la position que nous fouillons à Bretteville-sur-Odon faisait partie d'un ensemble d'une vingtaine de sites qui ceinturaient en fait l'ensemble de l'aérodrome, du coup le défendait des attaques aériennes alliées. Et là, c'est la première fois que l'on fouille ce type de structure. On peut imaginer combien de défenses autour de cet aéroport ? Alors c'est la première fois effectivement qu'on est confronté à ce genre de site, c'est une première, c'est inédit aussi bien au niveau régional que national. Et combien de structures ? Alors c'est difficile de dire, là sur notre site on a mis au jour 75 structures aménagées, tout type confondu. On peut supposer qu'en 1944 tout autour du site on avait des centaines de structures de ce type là pour protéger Carpiquet. Et quand le site est-il occupé ? Immédiatement à l'arrivée des Allemands ? Alors là encore, les sources militaires sont relativement muettes. A priori, les témoignages dont nous disposons mentionnent en fait l'apparition du site dès 1941. Et ce site ne cessera en fait de s'étoffer jusqu'en 1944. C'est-à-dire qu'en fait, au début, les Allemands s'installent dans une ancienne carrière d'extraction de pierre. Et petit à petit, le site prend de l'ampleur. Les structures se construisent, se creusent, la garnison arrive. Et on peut estimer qu'en 1944, la garnison pouvait s'élever à 120-150 soldats présents sur le site. Vous me disiez que ce site a d'intérêt parce que justement, on n'a pas d'archives ou peu d'archives. Pourquoi a-t-on si peu d'archives du mur de l'Atlantique, par exemple ? Alors, la petite particularité de ce site, c'est qu'en fait, il dépend de la Luftwaffe. Or, il faut savoir qu'en mai 1945, Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, a ordonné la destruction des archives. Donc en fait, on estime, les historiens estiment qu'environ 90 voire 95% des archives ont été détruites. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit que tous les sites, que ce soit liés au mur de l'Atlantique ou tous les sites autres, n'ont pas forcément été documentés. C'est-à-dire qu'on n'a pas systématiquement dressé un plan des structures. Or là, en l'occurrence, voilà, on est sur un site plutôt de deuxième ligne. On est quand même à une quinzaine de kilomètres des côtes. Donc c'est un site qui a un statut légèrement différent. Il n'est pas lié à la défense des côtes, il est lié à la protection de la base aérienne de Carpiquet et du coup son statut est légèrement différent. C'est-à-dire que le mur de l'Atlantique, ce n'est pas une bande liée strictement au rivage, c'est des kilomètres et des kilomètres à l'intérieur de terre. Là on est à quoi, 15 kilomètres, peut-être un peu plus ? Alors en fait effectivement ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est que les casemates, donc ces espèces de blocs de béton renforcés avec du métal et mesurant jusqu'à 2 mètres d'épaisseur, ne sont finalement que la partie émergée d'un système bien plus complexe qui ne se limite pas au trait de côte. Là on est à plus de 20 km mètres à l'intérieur des terres, mais il faut savoir que le mur de l'Atlantique se poursuit encore au-delà, dans les grands massifs forestiers de l'Orne, notamment dans la forêt des Couves. On a des dépôts de munitions qui, eux, sont limités à des structures en terre et en bois, qui servaient donc à stocker des munitions et qui, pour autant, sont quand même rattachés au mur de l'Atlantique. Donc là, en fait, le fait de fouiller le site de Bretteville-sur-Odon, ça permet encore de nuancer et d'apporter, on va dire, un renouveau sur nos connaissances liées au mur de l'Atlantique. On s'aperçoit que les sites du mur de l'Atlantique sont protéiformes. On a donc des variétés extrêmement importantes au niveau des structures, au niveau des moyens de construction employés et au niveau donc de la fonction surtout des sites. Alors justement, votre site se globalement se divise en deux. Là, on est dans une première partie. On a une structure visible juste là. C'est assez mince. C'est malgré tout assez bien construit en pierre. Alors en fait, effectivement, le site est divisé globalement en deux parties. On a une partie qui est directement liée au cantonnement des soldats, donc vie quotidienne, repos, repas, etc., qui se trouve au nord du site. Et puis, on a toute une partie donc au sud et au centre, qui, elle, est liée donc à la défense et au stockage. Alors, autant la première partie est quand même relativement sommaire, c'est-à-dire qu'on est face à des structures qui sont excavées, les parois ne sont pas forcément étayées, tandis que dans la partie sud, qui, elle, donc se trouve dans un substrat calcaire et à proximité de l'ancienne carrière d'extraction, on a des constructions qui sont beaucoup plus soignées, avec des murs maçonnés et un aménagement quand même apporté, on va dire, à la protection, au drainage, etc. Un peu plus loin, on a encore ce type de structure avec des sortes de tranchées. Alors effectivement, on a des structures qui étaient donc plutôt au niveau du sol. Donc les encuvements pour les avions, eux, se devaient d'être au niveau du sol pour avoir un champ de tir maximum. Et puis on a donc des structures qui, elles, sont totalement enterrées, qui étaient donc sous le niveau de sol actuel et qui avaient en fait pour objectif de stocker les munitions. Et alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ces ensembles de cellules sont desservis par un réseau de tranchées particulièrement bien conservé. Et l'ensemble se trouve à proximité immédiate des encuvements. L'objectif était d'assurer un approvisionnement en munitions le plus rapide possible en cas d'attaque importante. Vous n'avez pas retrouvé de munitions, c'était pas dangereux parce qu'il y a un problème de sécurité quand même. En fouillant des périodes récentes, des périodes liées aux conflits contemporains, effectivement, on est susceptible de rencontrer des munitions. Alors il faut savoir qu'ici, le site était quand même relativement propre. Les munitions étaient relativement absentes. Il n'est bien sûr pas exclu de trouver des munitions encore actives, mais nous, on a eu la chance de ne tomber que sur des munitions en fait de fusil qui n'ont pas un danger vraiment immédiat. Alors dans cette partie, on va dire, l'architecture est très très originale par rapport au mur de l'Atlantique. La plupart du temps, les abris sont maçonnés avec des blocs calcaires extraits donc de la carrière qui se trouve à proximité du site. Alors ce type d'aménagement se rencontre parfois sur le mur de l'Atlantique. La particularité ici, nous, c'est l'absence de béton armé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps sur les ouvrages du mur de l'Atlantique, même si des blocs calcaires sont employés, on a toujours une dalle de couverture qui mesure entre 50 et 60 cm d'épaisseur et qui est réalisée en béton armé. Là, ce n'est absolument pas le cas. Nous n'avons qu'une simple dalle en béton non armée, donc dépourvue de fer, qui est supportée par un ensemble de poutres en bois dont les trous sont toujours visibles en fait dans les parois des structures. Nous n'avons jamais rencontré d'aménagement identique ailleurs sur le mur de l'Atlantique. On est loin de la propagande nazie. Alors on est à l'opposé complet, je dirais, de la propagande nazie qui vantait en fait un mur de l'Atlantique indestructible, infranchissable. Là, on est sur des constructions de campagne de piètre qualité, malgré le soin apporté. C'est vrai qu'en cas de bombardement, les structures ne pouvaient pas résister. C'était impossible. Alors un peu plus loin, dans la deuxième partie du chantier, là, vous avez des sortes d'énormes fosses. De quoi s'agit-il ? En fait, la partie nord du chantier est dévolue au cantonnement, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de grandes fosses, on en a relevé une dizaine. Donc ce sont des carrés la plupart du temps, hein, qui mesurent 10 à 12 mètres de côté et dont la profondeur varie entre 1,60 m et 3,50 m. Et à l'intérieur donc de ces fosses, on a retrouvé des éléments strictement liés au quotidien, à savoir donc des systèmes de couchage, hein, des sommiers. On a retrouvé aussi les systèmes de chauffage, donc des poêles à bois, à charbon. Et puis on a retrouvé du verre à vitre qui fait référence en fait au bâtiment en fait qui était donc installé au fond de ces grandes fosses. Donc probablement des sortes de chalets en bois, peut-être des éléments même préfabriqués, qui disposaient de vitres, de manière à assurer quand même un minimum de confort aux soldats présents sur le site. Et puis surtout, à proximité de ces grandes fosses, on a retrouvé des dépotoirs, donc de taille plus modeste, dans lesquelles les Allemands ont rejeté donc les aliments consommés, le charbon qui a servi au chauffage, ainsi que tous les objets du quotidien ébréchés, donc les verres, les assiettes, bref, tout ce qui était abîmé et qui ne pouvait plus servir. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas mal de poils. Alors, c'est vrai qu'on a retrouvé énormément de poêles à bois, à charbon, tous plus ou moins différents. Et jusque-là, c'est vrai que nous n'avons rien retrouvé de réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, ces éléments de chauffage ont été achetés ou réquisitionnés par l'armée allemande pour venir compléter en fait, eh bien, les éléments qui étaient, eux, standards sur le mur de l'Atlantique. Ou peut-être pillés, tout simplement. Là, pour le coup, l'archéologie ne permet pas de l'affirmer. Et puis des extincteurs, parce que visiblement, il y avait quelques risques d'incendie. Alors, chose effectivement assez intrigante, on a retrouvé plusieurs extincteurs, 4 pour être précis. La plupart du temps, on les a trouvés dans des fosses destinées au cantonnement, donc à l'intérieur desquelles on trouvait des chalets en bois. Alors, ces extincteurs peuvent être... Là, au cas où on a un départ d'incendie, c'est vrai que ça peut se comprendre, étant donné que les chalets sont plutôt en bois et qu'on est chauffé avec des systèmes de poêles, une étincelle peut partir du poêle, mettre le feu, et du coup, bah, dans ces cas-là, c'est vrai que la présence d'un extincteur se comprend et du coup devient nécessaire à l'intérieur de chaque baraquement. Je reviens sur l'architecture. On est sur une sorte d'architecture souterraine. Tout à fait, on est sur du souterrain, j'ai même envie de dire sur du troglodyte, parce que du coup on a des espèces de niches qui sont creusées à l'intérieur du substrat. A priori rien n'est étayé en bois, ça tient tout seul. C'est vrai que c'est des aménagements qui sont très particuliers. Là pour le coup ce sont des choses qu'on ne retrouve jamais sur le mur de l'Atlantique. Et même ici au sein du site, pour l'instant on a du mal à comprendre la fonction de ces espèces de niches, de renfoncements. Probablement du stockage, hein, peut-être stockage de charbon, stockage de matériel, etc. Mais c'est vrai que ce sont des éléments qui n'avaient pas été soupçonnés jusque-là. D'abord parce que ce sont des choses que nous n'avons jamais vues. Et de toute façon, les photos aériennes dont nous disposions en fait ne montrent pas tous ces aménagements souterrains. Ils sont beaucoup trop petits. Les conditions de vie doivent être quand même très rudes, la pluie, etc. Alors effectivement, les conditions de vie doivent être assez rudimentaires. Bon, bien que les soldats soient dans des abris au sec, parce qu'en fait, on s'aperçoit que toutes les fosses sont drainées. On a systématiquement des rangs de gravier qui sont épandus pour essayer d'éliminer les eaux pluviales. Mais on peut supposer que les conditions de vie étaient quand même relativement difficiles. Au sein du mur de l'Atlantique, on ne peut pas forcément parler de confort, mais disons que les soldats sont à l'abri et au chaud. Ici, c'est vrai que voilà, les cloisons, a priori, sont quand même en bois. Et c'est vrai que par rapport aux hivers assez humides, c'est vrai que le site devait être relativement inconfortable. Alors, on est entre les années 1941 et puis bien sûr 1944. Mais ce que vous fouillez, ce sont des architectures du haut Moyen-Âge. Alors c'est vrai que le parallèle entre les architectures du haut Moyen-Âge, notamment les fonds de cabane, les fameux fonds de cabane, eh bien il est très facile à faire. C'est vrai qu'en fait on est sur la même chose, hein, des grandes fosses excavées. Alors bien sûr les dimensions ne sont pas les mêmes, mais le principe lui reste le même, c'est-à-dire que les soldats s'enterrent et vivent sous le niveau du sol. Qu'est-ce que vous avez comme vaisselle, comme mobilier strictement, on va dire, militaire? Et est-ce que l'on peut voir une hiérarchie dans ce mobilier? Au niveau du mobilier strictement militaire, c'est vrai qu'il faut quand même préciser qu'il est relativement absent. Hein, curieusement, on est sur une position allemande et pour autant, le mobilier qui apparaît est plutôt civil. Néanmoins, on a quand même retrouvé quelques assiettes réglementaires. Je dis réglementaires parce qu'elles présentent en fait l'aigle et la svastika. Et alors, c'est vrai que ce type de mobilier se rencontre d'habitude plutôt dans les cantonnements en dur, j'ai envie de dire. Là, c'est vrai que c'est plutôt inattendu. Pour autant, voilà, c'est pas étonnant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, eh bien, la simple gamelle en aluminium du soldat allemand va côtoyer aussi les assiettes en faïence blanche. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une sorte de hiérarchisation au sein du site. Peut-être que les officiers et les sous-officiers, en fait, mangeaient dans les assiettes, entre guillemets, luxueuses. Et puis le soldat, le simple soldat, lui, était à la gamelle. Et les gamelles, vous en avez retrouvé? Des sortes de gamelles en aluminium, c'est ça? Alors, on a trouvé une gamelle allemande. Là qui donc du coup est un élément de dotation du soldat, ça fait partie de son paquetage. Et puis bien autour on a trouvé énormément de récipients civils qui donc viennent compléter en fait la dotation réglementaire. Que se passe-t-il en juin 44? Alors en juin 1944, l'aérodrome de Carpiquet va être intensément bombardé et puis à partir de la fin du mois de juin, il est attaqué par les troupes canadienne. Et donc la position de Bretteville-sur-Odon va se retrouver en fait prise dans cet assaut Donc les Canadiens vont progresser. Le site de Bretteville va être investi par des soldats allemands de la 12e SS Panzer Division. Et on peut supposer que le site de Bretteville va servir en fait de base arrière pour lancer des assauts, au moins des contre-attaques contre les soldats canadiens. Pour autant, ça a été assez difficile de percevoir ces combats terrestres, puisqu'en fait, les seuls éléments qui permettent de documenter en fait cet épisode se limitent à quelques chargeurs vides et quelques munitions de mitrailleuses tirées. Vous avez aussi un peu de casque, casque allemand, casque canadien, casque anglais? Alors, ce qui est assez curieux sur le site, c'est qu'on a trouvé un ensemble de 5 casques. Alors, on a trouvé 2 casques canadiens, un casque britannique, un casque allemand et aussi un casque américain. Alors, si les 4 premiers, je dirais, ne posent pas de problème, c'est vrai qu'on se demande un petit peu pourquoi le casque américain se retrouve ici, alors qu'on est en secteur anglo-canadien. Normalement, les Américains ne devaient pas être présents. Bon, il faut savoir qu'on a quand même des échanges, notamment avec les reporters. On a des unités, etc., qui sont dotées de matériel américain. Et on peut supposer, en fait, que le casque n'a pas été abandonné sur le site de Bretteville. On peut supposer que c'est un élément qui vient d'ailleurs et qui s'est retrouvé en fait éliminé après les combats à l'intérieur de ces fosses. Et puis vous avez un élément caractéristique, à savoir des trous d'hommes. Ça, c'est une chose typique des armées durant la Deuxième Guerre mondiale. On a effectivement relevé plusieurs trous d'hommes. Donc ce sont des abris assez sommaires qui mesurent généralement 1m50 de long pour 60 cm de large, dans lesquels les soldats alliés passaient la nuit. Alors ces structures, donc relevées au nombre de 3 sur le site, sont vraiment caractéristiques de par leur forme, leur profondeur, et puis surtout le mobilier en fait en résultant. Bon ben voilà, on avait des boîtes de biscuits britanniques, on avait des bouteilles de bière anglaises. Et puis surtout, en fait, à l'intérieur de ces structures, on a trouvé du mobilier qui serait vraisemblablement lié, en fait, au crash d'un avion. Alors, d'un avion pour l'instant non identifié, c'est peut-être un avion allié, c'est même probablement un avion allié, peut-être un avion allemand, mais là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le dire. Ce sont des sortes de petites boules d'aluminium que vous retrouvez ? Alors, ce sont en fait des grands morceaux d'aluminium, puisqu'on a un élément a priori de fuselage ou d'aile qui mesure à peu près 1m20 de long, de l'aluminium riveté, peint en noir et plaqué sur un espèce de contreplaqué, de mélaminé en bois très fin, très léger. Et alors, c'est vrai que ces éléments relativement caractéristiques sont quand même plutôt bien conservés, puisque la peinture est encore quasiment présente sur la totalité de la pièce. Et c'est vrai qu'en confiant ces éléments à des spécialistes, il sera, à mon avis, relativement simple d'identifier l'appareil. En tout cas, il était criblé de balles. Alors, c'est vrai que quand on regarde la surface du métal, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'éclats, probablement d'obus qui ont traversé l'appareil. Et c'est ce qui est c'est probablement ces explosions, ces éclats qui ont causé la chute de l'appareil. Benoît Labbé, l'histoire de ce site ne s'arrête pas au 8 mai 1945, mais plutôt dans les années 50. Exactement. En fait, le site de Bretteville reste ouvert, reste en tout cas en l'état, jusqu'au tout début des années 50. Il faut savoir que dès que les combats se terminent, la population civile va venir systématiquement, c'est quelque chose qu'on observe sur le mur de l'Atlantique, va venir systématiquement en fait récupérer des éléments au sein des abris allemands, alors des poutres pour la construction, éventuellement des matelas, des caisses, etc. Et le site de Bretteville en fait n'échappe pas à cette règle, c'est-à-dire que les systèmes de poutres qui supportaient les dalles en béton ont été récupérés et du coup les dalles se sont effondrés à l'intérieur des ouvrages. À partir de ce moment-là, en fait, le site s'est présenté sous la forme de grandes excavations à ciel ouvert et il s'est trouvé que la reconstruction de camps a nécessité en fait l'évacuation de tonnes et de tonnes de déblé et donc tous ces sites excavés à l'air libre ont été des endroits privilégiés pour éliminer donc tous ces déchets. Alors les carrières aux alentours de Caen ont servi à l'évacuation des déblais de la ville, mais également le site de Bretteville, puisqu'en fait, à la fouille, on s'est rendu compte que de nombreuses structures excavées, notamment les plus grandes, en fait, renfermaient un mobilier mais extrêmement riche, un mobilier uniquement civil, donc des assiettes, des gamelles, des éléments de charpente, de construction, de cheminée. Tout ça, en fait, se trouvait mélangé dans les abris allemands. Et puis peut-être le plus émouvant, une horloge. Qui est effectivement émouvante parce qu'en fait, les aiguilles se sont probablement arrêtées à l'heure du bombardement. Et alors c'est vrai que ce genre d'objet entre guillemets resté dans son jus intouché, c'est particulièrement rare. Et alors là, c'est vrai que cet objet civil, eh bien, nous rapproche finalement de nos arrière-grands-parents. Et c'est vrai que du coup, la distance entre l'archéologue et son objet de fouille ici, elle est particulièrement ténue. Et c'est vrai que voilà, ça permet de faire des comparaisons qu'on aurait du mal à faire avec des périodes plus anciennes. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Cyril Martini, nous voici sur un chantier de fouilles portant strictement sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est un chantier qui a été prescrit par les services de l'État que pour les aspects contemporains. Les attendus scientifiques de cette fouille, c'est la Seconde Guerre mondiale, enfin, c'est découvrir une petite portion du mur de l'Atlantique. On sait bien sûr que l'archéologie s'arrête hier. Dans ce cas, pourquoi a-t-elle mis tant de temps à se pencher sur la Seconde Guerre mondiale ? En fait, je pense que l'archéologue et l'archéologie de manière générale arrivent plus facilement à se saisir d'un dossier quand les témoins disparaissent. Et donc c'est à l'archéologue de prendre le relais et de livrer les témoignages à partir des données matérielles. Et quelles sont les problématiques ? Si on reste juste sur le mur de l'Atlantique, par exemple, c'est de découvrir tout ce qui est caché de ce mur, en fait. L'image qu'on a tous du mur de l'Atlantique, c'est le bon gros blocos en béton, épais, massif. Mais ce qu'on sait moins, c'est que tout autour de ces vestiges, on a énormément de structures archéologiques enfouies, des tranchées, des fosses, des soutes, différents éléments faits des fois dans des matériaux beaucoup plus labile, de la terre, du bois, des choses qui s'apparentent plus à ce qu'on peut avoir en tête que lorsqu'on pense à la Première Guerre mondiale. On a ce type de structuration aussi sur le mur de l'Atlantique. Alors les problématiques, c'est quoi ? C'est le mur de l'Atlantique ? C'est la violence des combats, ce genre de choses ? Oui, en fait, il y a plusieurs axes de recherche actuellement. Donc, il y a la structure même du mur, voilà, ce qui compose le mur, comment ces différents éléments sont construits, quelle a été leur fonction exacte, les témoignages qui restent encore à l'intérieur, voilà, qui sont relativement rares. Les Allemands sont très propres, ils laissent pas grand-chose. Ici, par exemple, à Boisville-sur-Odon, c'est du matériel qui date des destructions, qui a été mis en comblement dans les fosses. C'est pas du tout du matériel qui montre la vie sur le site même. Et on a tout ce qui est lié au champ de bataille, la balistique, ce que développe en particulier Alexis Gork, par exemple, dans la Manche, où là, ils travaillent vraiment sur le militaria, les objets de guerre et leur position dans le sol, de l'analyse spatiale, comme on ferait pour des périodes plus anciennes, tout simplement. Et alors ça, c'est à partir d'une bataille, une fameuse bataille américaine, qui a été la première étude d'un champ de bataille. Oui, le modèle qu'on a tous en tête, c'est Little Big Horn, en fait. Voilà, ça a été une étude importante, voilà, parce qu'elle a permis de montrer qu'on pouvait attaquer le champ de bataille d'une certaine façon à partir des vestiges. Donc, c'est pas un chantier mené comme on les mènera actuellement. Hein. C'est des chantiers où on a passé le terrain à la poêle à frire, on a essayé de trouver tout ce qui était engin balistique, voir comment ils étaient orientés, etc., pour imaginer les déplacements sur le champ de bataille. Ce que fait Alexis Gorg à Amini, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on peut faire maintenant en termes d'archéologie, donc un décapage. On va repérer tous les types d'objets, tous les types de vestiges, y compris ceux qui ne sont pas métalliques. Et chaque vestige va être interrogé pour comprendre comment les troupes allemandes et américaines se sont déplacées sur ce site. Il y a aussi, et ça c'est très nouveau, l'archéologie des camps de prisonniers. Oui, alors on a été une région un peu pilote là-dessus pour la Seconde Guerre mondiale. Dès 2005, François Fichet de Clairefontaine avait lancé une prescription sur le camp de la Glacerie qui est près de Cherbourg. Depuis, on a touché d'autres camps de prisonniers. Et là, il y a tout un panel de recherches à mener très très très précises puisque on a peu de sources directes en fait de la fonction de ces camps. Voilà, les sources archivistiques sont vraiment pas dissertes. On a très peu de photos. Donc là, la donnée archéologique va être beaucoup plus intéressante à mettre en valeur. Pour comprendre comment on a vécu dans ces camps de prisonniers, comment on a structuré chacune des cages de ces camps de prisonniers, parce que ça fonctionne par cage de 100 mètres sur 100 mètres. Hein. Et là, il n'y a que l'archéologie finalement pour répondre à ce questionnement. Ces prisonniers déminent les plages ? Ces prisonniers, ils sont restés en Normandie jusqu'en 48. Hein. Il n'y a pas uniquement la Normandie d'ailleurs, il y a eu d'autres fouilles menées dans d'autres régions en France sur des camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Mais ceux qui sont en Normandie, oui, vont aller déminer les plages, nettoyer un peu partout. C'est la première notion de pollueur-payeur. Et ils vont travailler dans les fermes aussi. Voilà, lorsqu'on manque de bras dans les fermes autour de camp, c'est les prisonniers qui vont prêter main forte. Et certains ont même fini par se marier, rester sur place. Hein. Et puis, le dernier type d'archéologie ou de problématique qui vous intéresse, c'est bien sûr les civils. Parce que les civils se sont fait bombarder. Oui, alors là, on est plus sur mon champ de recherche personnel. Moi, je développe un travail sur les civils et comment les civils se sont comportés lors des bombardements de juin 1944. Hein. À partir de l'étude des carrières, je mène ça avec un collègue qui s'appelle Laurent Dujardin, qui est historien. Hein, et on va, aller prospecter les différentes carrières de la région. Et une des carrières a été retenue pour une étude plus fine, celle de la carrière Saint à Fleury-sur-Orne. Une carrière où il y a encore tous les vestiges qui gisent sur le sol, hein, qui ont été abandonnés à la fin de l'été 44. Une sorte de Pompéi. Ouais, une sorte de Pompéi. C'est comme ça que ça a été dit dans la presse. En tout cas, c'est un beau niveau de sol avec plein de vestiges en place et pour un archéologue, c'est royal. Ne faites-vous pas, Cyril Marcini, une archéologie qui serait l'illustration de l'histoire, une histoire que l'on connaît par cœur d'ailleurs. Alors effectivement, les faits historiques, on va pas les révolutionner avec nos fouilles, mais on va venir apporter des compléments. Et on va surtout offrir une nouvelle documentation dont les historiens pourront s'emparer et pourront après recréer ou refaire une histoire beaucoup plus complète que celle qui est uniquement renseignée par la documentation officielle. C'est le problème aussi des archives historiques qui sont faibles. C'est exactement ça. On est sur une période où on pourrait croire qu'on a énormément de sources et en fait, c'est pas si dense que ça. Si on revient sur le mur de l'Atlantique, on a très très peu d'archives sur le mur de l'Atlantique. Göring a fait brûler les archives à la fin de la guerre, hein. Et donc du coup on a très peu de documentation là actuellement sur le site de Boisville-sur-Odon par exemple. Notre meilleure documentation c'est la photo IGN de 47. Vincent Carpentier, à qui vous travaillez, me disait il y a quelque temps que l'archéologie exhume des faits. Or ces faits ne collent pas toujours avec l'histoire. L'histoire, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il a raison. Il y a une distorsion, parfois, entre le fait historique tel qu'il est relaté et le fait archéologique, qui est normalement beaucoup plus ancré dans la réalité. C'est le cas, par exemple, on a fouillé à Malto, juste à côté d'ici, il y a quelques années, une zone de combat où il y a eu des corps qui étaient enterrés. Dans les sources historiques, tous les corps avaient été relevés. On a découvert qu'en fait, c'était pas tout à fait le cas. Et on a découvert aussi qu'il y avait des Allemands qui avaient été enterrés, etc. Enfin, voilà, on apporte des choses. C'est un questionnement fort, hein, de l'archéologie des conflits contemporains. On a l'impression que l'archéologie ne vient pas être une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on connaît. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup à dire à partir des découvertes factuelles de l'archéologie. J'ai souvenir d'une bataille extrêmement violente, du moins dans les textes, et puis en réalité sur le terrain archéologique, pas grand-chose. Ouais, c'est le cas par exemple sur des portions du mur de l'Atlantique, hein, où on nous parle d'âpres combats et en fait en réalité on n'a rien dans les vestiges du sous-sol et on n'a même pas d'impact sur certains éléments fortifiés, quoi. Et pensez-vous que cette archéologie n'aura qu'un temps, une fois que vos problématiques seront réglées? Oui, je pense que contrairement à d'autres archéologies, je pense qu'aux périodes plus anciennes, on est sur un champ archéologique qui va se refermer tout naturellement. Pas maintenant, on est sur du moyen ou du moyen terme. Dès qu'on aura fourni les données suffisamment redondantes pour répondre aux questionnements archéologiques, je pense qu'on n'apportera plus énormément de données et c'est possible qu'on relâche un petit peu notre attention sur cette période au cours des 10 prochaines années ou des 15 prochaines années. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Valérie Lavalard et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inarab.fr. La semaine prochaine, nous partons en Égypte pour découvrir l'actualité de l'Institut français d'archéologie orientale.